Chang Won Bin, 안녕. Chang Won Bin, 안녕. Voilà. Je ne sais pas, les amis sur YouTube, vous me captez? Chang Won Bin, 안녕. Voilà. Je ne sais pas, les amis sur YouTube, vous me captez? Je ne sais pas. Oh là là. Ces histoires ici, c'est compliqué, hein? Je ne sais pas sur Facebook, est-ce qu'il y a des amis qui sont aussi connectés sur mon compte YouTube? Je sais que sur Facebook, ça va, mais je suis en train de me battre là, je ne sais pas sur YouTube. Voilà, je vois les chats YouTube. OK. Voilà, 5 sur 5. Merci. Merci, merci les amis. Bonjour, bonsoir. Toye Kokutana un peu moins rapidement. Je sais que c'est le week-end. Bandeko Mingi Bazalina ba occupation Mususu. Et Tokozwa Binotan ya Mingite. Juste topé son à moi, bonjour. Et puis s'il y a quelque chose à commenter, tout commenter. Et puis nous allons nous séparer à ce niveau-là. Voilà. Et comme Boyebi, comme Momesano et Painabiso, Ba News Oeyaka, Ba News Oeyaka, ils ont toujours Yamabe, Jean-Claude Massunda, prof Pessabilo Kotu. J'aime beaucoup les Congo, hein. J'aime beaucoup mon pays, franchement. Voilà, il y a de ceux qui ne dorment pas, Freddy Mafuta, depuis Séoul, Corée du Sud. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, mon ami. Et prof Apesa Biloko tout, Bimisa Nyoso. Voilà. Bon, écoutez, Naye mon moketo solo là sur Likambo na lobela ki yango la fois passée et ezali important to lobela rango toujours ezali Likambo ya retour ya Kabila et na retour ya Kabila il y a pas banzela mi balé ya okende pour na koluka ki blâmer. Kabila, ce qui a zongi na pouvoir, il y a une seule personne à reblâmer. Cette personne, voyez bien, Ezali, Mwana Oyo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Atike Labiso. Ezali ye mutu ako mema d'abord asia mema masumu nyoso dans le sens que na 2016 entre 2016 na avant l'élection congolais nyoso azalai ko kanisa soki to komi na 2019 na 2020 mutu akolobela susu kombo ya Kabila zate. Mutu akolobalisusu kombo ya batulokola ba Mende, batulokola ba Shadari, batulokola ba Wilonia, batulokola... Donc, batuana bakozala na histoire ya mboka na biso. Kongole mokote a pensé ke batuana tokozala kolobela bango na actualité politique ya mboka na biso, tobanda kolobela bango comme batu oyo bazali ko gérer mboka na biso. Tout Congolais pensait que ces gens-là bakozala na histoire ya mboka na biso. Mais hélas, voilà, mwana oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atike la biso ngambu, ayeko sala la bêtise du siècle, la bêtise nationale, ya okende ko sala deal na bato oyo nous on croyait en 2020, bakozala na oubliette. To banda komona bango na balabala, soit ya Congo, soit to banda komona bango na makala na Congo, soit to banda komona bango na balabala en exil na Europe, na Asie, na Amérique. Mais voilà, comme je disais, moi na oyo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tike la biso. Et ayeko zongi sabato wana na actualité. Il y a des amis qui parlent de Fayulu. Je ne sais pas pourquoi quand nous on parle de la gestion ya mboka na biso, les gens viennent nous parler de Fayulu. Je ne sais pas qu'est-ce que Fayulu vient faire ici, parce que Fayulu ne gère pas le pays. Fayulu a géré même entreprise publique mon côté, même une petite parcelle publique Fayulu a géré un côté. Attendez le jour où Fayulu deviendra président, ministre ou quoi que ce soit. Bokoya ko yebisabiso to lobela pe Fayulu. Mais pour le moment nous parlons, excusez-moi. Pour le moment nous parlons de la personne où azali ko géré mboka na biso. Donc, moi, je ne considère pas cette opposition. Pour moi, l'opposition n'existe pas au Congo. Il n'y a que la résistance qui existe au Congo. Alors, si vous croyez que Fayulu est un opposant, moi, je ne le considère pas comme étant opposant. Alors, s'il est résistant, c'est bien. Mais en réalité, tous à la ka logique na biso moko. Nous parlons il y a bato oyo bazali ko gérer mboka na biso na ya bato oyo bazali ko engager ngai ya bato oyo bazali ko représenter ngai. Fayulu ne me représente en rien. Alors moto azali ko représenter ngai ezali Félix Chilombo na camarade na ye Kabila bazali ko représenter ngai. Voilà pourquoi nazali ko lobela bango et ne me demandez pas pourquoi lobela kaka Félix Fayulu lobela ka yete. Non, ngala lobela ka batu oyo bazo représenter nga na ko lobela huissier ya fonction publique, na ko lobela comptable d'état, na ko lobela ministre, na ko lobela PDG, na ko lobela gouverneur, na ko lobela premier ministre, na ko lobela député, na ko lobela sénateur, na ko lobela président de la République. Ce sont ces gens qui me représentent. Alors, dites-moi en quoi Fayulu me représente pour que na lobelaye. Azo représente ngane lo komote. Donc je disais que Kabila va rentrer, vous voyez déjà ba décor ndenge bandi déjà ba bandi koloba bango moko publiquement Kabila rentre bazali ko se préparer pour na yango. Et comme na expliqué ki na vidéo et le qui c'est vrai Kabila akozonga. Kabila kozonga, Kabila zozonga. Na vidéo eleki na explika ki mécanisme légal oyo ezali kolakisa ke Kabila akozonga sans problème. Donc, il est majoritaire au Sénat, il est majoritaire au Parlement, il est majoritaire au gouvernement, il est majoritaire au gouvernorat. Donc, eloko moko te ko empêche Kabila zonga. Et bon moni sikoyo que boya ka pe bozalaka honnête de venir nous dire bon écoutez monsieur vous avez raison vous aviez raison na tango boyebisa ki biso que il y avait un deal na tango boyebisa ki biso que mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba asala deal deal ya mabe deal ya banduki alors ye moko Félix andima ke y avait deal mais deal wana ezala ki deal oral donc ezala écrit ezala oral ça s'appelle deal et bande ko mingi ba meki ko contactenga ko loba me pourquoi lobela kaka bikolo mususu te olobela kaka baluba na lobela ka bikolo mususu te parce que baluba bazali lié na oyo ezali ko leka na mboka na biso c'est-à-dire bazali lié na mutu o azo representenga celui qu'on appelle le président de la république. Alors, n'ayez qu'à remarquer, moi je croyais que okoki kozala muluba, okoki kozala musuku, okoki kozala mungongo, okoki kozala mushwaili, okoki kozala mungala mukongo, na tango ozana responsabilité moko public te. Donc, dès lors que vous n'avez aucune responsabilité publique, vous êtes muluba, vous êtes mukongo, vous êtes mungala, vous êtes Mushwaili. Mais dès lors que vous exercez des fonctions publiques, votre tribu disparaît. Tribu na yo ezo disparaître. Vous allez sur une connotation tribalité, vous allez sur une connotation nationale. Alors, mais pourquoi bozolo bake nazolo bela baluba? Parce que j'ai remarqué que avec Kasavubu, président de la République, on n'a pas vu une connotation Congo. La gestion ya pays na biso. Mobutu ayeko comme président, on n'a pas vu une connotation Ngala, Mbandi, na gestion ya mboka na biso. Joseph Kabila ayeko comme président, parce que bazo attribué nationalité congolaise, balobi azali congolais, et bapesiye tribi, bapesiye province, ya Katanga, donc Mushwahili, et je n'ai pas vu une connotation Swahili na gestion publique de notre pays. Voilà, surprise, étonnant, Félix devient président, on voit maintenant une connotation tribal na gestion ya mboka na biso. Voilà pourquoi moi j'ai me donne la peine ya kolobela bandeko na biso baluba. Parce que soki ozali mutu ozali normal, soki ozali mutu leka na classe, ozali un observateur, soki observé vous pouvez déduire na observation na yo et lokoni nous a remarqué na société na biso. Nanya tombola mosapike tozo mona bandeko na biso baluba na sorte ya campagne moko ya ko komisa présidence de la République comme une présidence tribale. Tozali ko komona une représentation de l'autre, c'est-à-dire l'autre ezali batu mususu batu ya ba tribu mususu. Bande kona biso oyo bazali batu ya tribu ya président de la République, bazali na représentation mususu ya batu mususu ba tribu mususu, par exemple les Ngala, les Congo, les Swahili. Tozali ko faire face na construction d'un système de pensée tribal. Un système de pensée tribalo-normatif. Oyo, bande konabiso bazali ko tchana place. Tribalisme o tozali ko loba. Tribalisme ezali slogan te Le tribalisme que nous dénonçons au Congo, ce système de pensée unique, ce système de pensée tribal, ce système de pensée louba qui s'installe dans le cannabis, batou nyonso oyo bazali normal, bazali na malade ya mutute, bazali ko mona yango, bazali ko comprendre yango, bazali ko vivre yango. Na répéta à maintes reprises que tribalisme otozali ko dénoncer et pas ya Félix qui a rendu l'institution président de la République tribale. Ce qui ozo mona yango te c'est que ozali mutu aussi okufa déjà avant. Na lobela yango na ba vidéo moi mingi. Félix ayaki na présidence de la République avec plus ou moins 600 batou. Donc 600 conseillers et agents à la présidence de la République. Ba conseiller, c'est-à-dire ba tuba kopesa ye conseil pour que a dirige mboka malamu. Na lobela yango qualité ya ba conseiller na yewana moins de 10 bazali ko mériter kozala na qualité ya ko zala conseiller d'un président de la République. Na expliquer yango que un conseiller fonction ya conseiller de la République ezali fonction politique te ezali fonction technique ba conseiller bazala kana sima na kuku ko conseiller mokonzi ya mboka mais tozomona ba conseiller qui deviennent ba politiciens ko sala ba propagande ya ba première dame bokomona conseiller mobimba azali ko poster na public ba photo ya mwasi ya président ko komisa ye mwasi ya président na biso joli bit ba joli bit conseiller de la présidence conseiller ya président de la République. Vraiment, ezali kiadi na kiadi. Tozali ko dénoncer que Félix sur 600 personnes au ayaki na bango. On a remarqué que Félix, en réalité, batou oyo aye na bango, bazali batou moko oyo bakoki ko mérite kozala ba conseiller te. 600 aye na bango, donc ba jan na ba conseiller, sur les 600 tozali au moins na 560 ba louba. Na lobela ngo na video, oye leki, mais il faut ko lobela ngo toujours, parce que bande kona biso compréhension na bango ezali, loko la ba pi le zangi énergie, loko la courant o eza faible. Alors, il faut ko branche ka bango à tout moment, pour que ba comprendre que ce que leur frère a fait ezali malamuté. Tribalisme oyo ezali kaka e pa ya Félix te. Soki botali batu nyonso o na cité les Congo, les Ngala, les Swahili, les Luba. Soki totali malamu ezali ba vérité mutu ezanga biso to lobana. Batu oyo bazali très très tribal. Ezali bande kona biso baluba. Bande kona biso oyo esika nyonso azali soki ba chaine esika ya signature. Na sima na ye nyonso kaka batu na ye. Tozali ko denoncer yango peut-être si vous êtes en privé par exemple votre parti politique, ezali ba fait privé, votre entreprise, ezali ba fait privé. Mais s'il s'agit ya ba responsabilité publique, attention na tribalisme ya komema népotisme ya komema batu ya tribu na yokaka to boite parce que maintenant le ba confiance tozali koloba les gens résument confiance kaka na batu ya tribu na yo donc mutu ya confiance azaka mutu ya tribu na yo. Bato mususu tozali ko sala ba métier, tozali ko kutana na bango na vie professionnelle. Donc bato a confiance bazate, bato a confiance bazali kaka bato ya tribu na yo. Vous voyez comment est-ce que Félix a réduit notre pays na bêtise. Pourquoi Félix Ayé Karana Balouba 560 na présidence? Parce que Azan a besoin de ta confiance. Pour na okombo la balabala ya présidence, il faut qu'a Moulouba parce que Azan a ta confiance. Pour na kozwa mutu oyo abimisaka ba lettre, il faut Azan a Moulouba parce que Azan a ta confiance. Donc, mboka na biso okoma sikoyo o ezali jurisprudence bazali kotonga, na sens que mutu nusa okoma président, akoya pe na 500. Batu ya tribu na ye, parce que aza na confiance na bango, baza batu ya tribu na ye. Alors, bozomo na tribalisme oyo, on nous dit Félix est kinwa. Félix akoli, abotami akoli na Kinshasa. Kinshasa ezali Kasai te. Soki Félix abotama kana Kasai, akola kana Kasai, asala musala bo, ya asala na musala te. Il a grandi par exemple au Kasai, aye okoma président, on peut peut-être comprendre que batu o aye na bango baza bata confiance azalaka na bango na Kasai. Le Kasai c'est pour le Luba. Yango aye na bango 560 na présidence. Mais Félix akoli na Kinshasa. Kinshasa ezali métropole. Kinshasa ezali tout le monde. Alors, Kinshasa ezali une ville hétérogène. C'est-à-dire que Félix akoli na Kinshasa, akoli na Bangala, na Bashwahili, na Bakongo, akoli na batu nyonso. Alors, pour na kozwa batu ya confiance, oh my God, bakati biso na, batu ya, bandeko na biso ya Facebook, pardon, botia ba like, ba mite mebele, je pense que zo katana, parce que na moni deja sin moko e la kisti plaswana. Pardon, mes amis, ba like, mettez ma ebele pour que ba réussir ko kata bisote. Donc, je disais que Félix est né à Kinshasa, il a grandi à Kinshasa, c'est-à-dire il a grandi avec tout le monde. Je disais que Kinshasa était une ville hétérogène. Oyo batu nyonso bazali na kati. Alors, ce que Félix a sali na batu a confiance, comme ma colline à Kinshasa, na batu nyonso, il faut tout le monde sur les 560 où il y a na bango na présidence. Il faut tout le monde à Bangala et Bélé. Il faut tout le monde à Bashwaili et Bélé. Il faut tout le monde à Nekongo et Bélé. Balouba et Bélé. Na pesa ki un exemple la fois passée. Na, je suis passé na statistique calcul pour vous dire que sur les 600 où il y a Félix Ayaki na bango, ce qui a engagé ba ethnie nyoso en Mboka na biso sur 200 67 ethnies, donc tokozala plus ou moins na deux conseillers na ba agent na présidence par ethnie ya mboka na biso. Ce qui tokei na niveau ba province, nous avons maintenant 26 provinces, c'est-à-dire Félix akorai kozala na 23 conseillers na ba agent ya présidence na chaque province. Alors, ce qui osui 23 au calculé. Le reste, à quoi il coûte chale luba. Mutumoka ko lobate parce que quand même botala ba province nyos toloba Bandundu, toloba Kwango, bozali na 23 conseillers na présidence. Toloba Kwilu, bozali na 23 conseillers na agent na présidence. Toloba Kinshasa, bozali na 23 conseillers na agent na présidence. Donc ba province nyos so 23. Mais regardez ces gars ici, aye sur les 600 Yé a tché 560 les Luba et les restes 40. Ezali kaka batu ba province mususu nyon sona boutique ali bokabula. O ezali tribalisme te. Je vous ai dit que na zo loba ki tantôt que tribalisme ezali na mboka na biso main. Ezali a outrance na bandeko na biso ba Luba. Na pesa bino un exemple. Ya Nzuzi Wambombo, binoso boyebi Nzuzi Wambombo, il était commissaire d'État, je pense, à l'époque de Mobutu. Boyebi Nzuzi Wambombo, na tango ayayi kokoma commissaire d'État, donc ministre à cette na époque oyo, ayayi kozwa contrat na pays moko na Amérique, le Canada. Contrat ya kotinda bandeko na biso bakende kotanga ba formation. Il fallait Nzuzi Wambombo atinda 200 Congolais bakende Canada. 200 Congolais à cette époque. Ezalaki contrat na programme bilatéral entre les Zaïre, de cette époque est le gouvernement canadien. Nzuzi wa mbombo a tché liste ya 200 balouba à Tinda Bango na Canada. 200 Congolais balouba à Tinda Bango na Canada. À cette époque, Mutumoko a tchaka kati. Mais eyaki kobima juste après. Natango Mobutu a longoli ye commissaire d'État, longoli ye ministre sika wana. Ministre o ayaki ko remplacer ye a découvrir le kowana que na contrat, na programme bilatéral entre les Zaïre et le Canada, il fallait envoyer 200 Congolais au Canada pour une formation. Le ministre, la ministre Nzuzi wa Mbombo a envoyé tous les 200 louba. Tolongwe wana. Tozali komona siko ba tractation de... Excusez-moi. Tozali komona ba tractation pona élection ya président ya CENI. Il faut ba voter président ya CENI. Ba candidature bazali ko déposer, je pense. Moi, j'avais demandé d'ailleurs, donnez-moi cette CENI. Bope sanga CENI wana. Bope sanga comme ça. Nathan Obozo, que M. Yombi a commis président à CENI. Ma camarade, nanga non si fou bo kamara déjà, RIP Yombi. Parce que, et l'on a ressalé à CENI wana, on va revenir d'abord aux élections précédentes. Et boye baka, ceux qui ont revenu dans les élections, et Mémi Félix Nessi Kazali. Voyez, baba, oui, on ne peut pas tomber sur ngai. Donc, Moussala, on a essayé de faire un peu bien. Ce qui vraiment, on a dit que donnez-moi, ce qui est bon, on a dit que c'est bon, donnez-moi cette CENI, on a dit que c'est. Donc, je disais qu'il y a des candidatures qu'on dépose maintenant pour la présidence de cette commission électorale. Parmi les candidats autres aux Comona, nous avons des gens qui ne méritent pas. Oyo bazali lokola Félix Yemoko, très tribal, oyo akoyi kozala président ya Sénité. La candidature d'un certain monsieur qu'on appelle Paul Ntsapu. C'est Paul Ntsapu, na outi ko sorolana ba instance ya droit de l'homme, Sike Bele, oyo akendaka kile aussi invité, azala ki invité. Nazali ko zwa ba liste ya batu nyonso o ya bandai ko ke na bango na Genève par exemple na commission ya droit de l'homme ya ONU o yo azali ko ke na États-Unis pe na ba instance africaine na sololi na batu ebele ba yebisingai oui tokoyi ko pesa yo ba liste wana na cadre de recherche nazali professeur ya droit de l'homme nazali na droit ko zwa ba recherche ba elema ya ba enquête nangai et na maloba kaka ndenge to sololi na batu na pesi ba ne par exemple donnez-moi la liste oyo ya commission à droit de l'homme ya Congo conduit par monsieur Paul Ntsapu ba nani ayaki na bango ba kombo déjà ndenge na yoki bati Bachibwa, Bachimbanga, Chitumpa, Chilunga, Chiyoyo, Chi. Donc, kaka bango akenda kana bango na Genève, akenda kana bango na ONU. Na ONU na New York. Na ba instance msusu africaine. Monsieur Paul Ntsapu Oyo akoyi kozala président ya CENIDE. Parce que, un d'abord, soki bozali ko mona batu, bazali ko kufa, batu bazali ko se pumone, pour nous protéger le docteur, le prix Nobel, le docteur Mukwege. Si vous avez un mot, il y a M. Oyo qui s'est dit le représentant, il y a un organisme à droit de l'homme, il y a Congo, M. Paul Ntsapu. Les rapports mapping, est-ce que Paul Ntsapu a sali campagne pour Nayango? S'il a parlé de ça avant que Félix devienne le Tshituntu national. Mais dès que Félix est devenu là où il est, Monsieur Paul Ntsapu a kangé monoko. Monsieur Paul Ntsapu tozoyo kayete parce que aujourd'hui, si la Commission, par exemple, européenne demande na conseil ya sécurité des Nations Unies pour que ba pousser l'ONU à initier à créer tribunal international pour na Congo bato bakoyi ko sala appui ya biloko wana ezali bato oyo bazali na organisme ya défense ya droit de l'homme na Congo. Alors bato bazali ko représenter bango en occurrence ezali monsieur Paul Ntsapo. Est-ce qu'azali ko lobela yango? Ako lobela yango te. Parce que soki a lobeli yango bokonzi na bango tribal ekokweya. Ayebi que ba garde fou ya bokonzi na bango tribal bazali impliqué na rapport mapping. Le Rwanda est impliqué, l'Ouganda est impliqué, Kabila est impliqué. Alors Paul Ntsapu ne peut pas parler de ce rapport mapping. Paul Ntsapu ne peut pas parler, ne peut pas appuyer ou faire campagne pour soutenir la protection du docteur Denis Mukwege parce que faire ça et qu'on implique ba garde fou au ezo simba bokonzi na bango. Bokonzi na bango ezali soutenu par l'élection te. Le pouvoir de Félix n'est pas soutenu par le peuple, n'est pas soutenu par les résultats des élections. Le régime de Félix est soutenu par Kabila, est soutenu par Museveni, est soutenu par Paul Kagame. Alors, Mutu Yaboye, est-ce que Bokoyi Kondima aza la président ya commission ya élection na mboka na biso? J'ai suivi un frère oyo apesi biso liste ya batu oyo Paul Ntsapu atindaka soki ba pays mususu africain ba bengi ye tindra biso liste ya observateur ya élection tindra biso liste ya batu boye ya droit de l'homme na Congo baya po ba sala boye ba observer ou bien ba landa formation. Paul Ntsapu n'envoie que des gens de sa tribu. Liste aux anango awa ya observateur atinda na Afrique de l'Ouest ba bengi ye atinda liste ya ba observateur donc ba activiste ya droit de l'homme au Congo ba pays wana elingi batu ya Congo pe ya droit de l'homme ba kende ko observer ba élection na mboka wana ba pesa rapport na bango sur le déroulement ya ba élection. Écoutez ce Paul Ntsapu oyo alinko comme président ya CENI liste atinda na Afrique na pays oyo Afrique de l'Ouest. Atindi 22 personnes. Atindi monsieur Richard Kazadi. Bo comprendre za mutu wapi. Marie Lukusa. Ntambwe Ngoyi. Chibalabala Banga. Anthony Kapeta. Jacob Baluishi. Jonas Chombela. William Batubenga. Luc Lutala. Jili Lusamba. Pascal Ngoyi Moussa. Kabasele Mumempa. John Kasanji. Sylvain Lumu. Mwila Kayembe. Fwamba Kadima. Kabasonga Ntumba. Ani Bambe. Paul Kabeya. Joseph Bongo. Mukajimwe Ntsapu. Vous comprenez? Tribalisme ezali epaya banani. Même au niveau des droits de l'homme, oyo tribalisme, bactivise à droit de l'homme, bazali ko lite contre yango. Les activistes des droits de l'homme doivent lutter contre le tribalisme. Monsieur Paul Ntsapu s'est dit être activiste des droits de l'homme. Et c'est lui qui représente les organismes de défense des droits de l'homme au Congo. On lui demande d'envoyer une liste d'observateurs dans un autre pays africain. Il devrait faire l'équilibre entre les provinces. Mais voilà la liste, au moins de 22 personnes, vous avez compris. 20 sont des gens de sa tribu. Et vous voulez que cette personne devienne président de la commission électorale au Congo. Quand vous prenez l'UDPS, on peut avancer dans le privé. Quand vous prenez l'UDPS, qui est le président moral de l'UDPS? Félix Tshisekedi. Qui suit Félix Tshisekedi? Kabuya, Kabund, Kazadi, Ngoyi, Tshintumpa, tous Luba. Vous accusez Fayulu des tribalistes qui font partie. Il y a directoire, il y a parti à Fayulu. Il y a un Kassaïen, celui qui suit Fayulu, c'est un Kassaïen. Fayulu est de Bandundu. Celui qui suit Fayulu, c'est un Kassaïen. Après, c'est un Swahili. Après, c'est un Nekongo. Et c'est, l'autre, c'est un gars de l'Équateur, je pense. Alors, quand vous voyez chez Kabila, c'est diversifié. Mais regardez chez Félix. Il y a les Luba, Luba, Luba, Luba, Luba, Luba, Luba, Luba, Luba, Luba, Luba. Donc, Batu Oyo Bazali ko ganga na tribalisme. Bangonde Bazali ba tribaliste. Bangonde Bazali ba tribaliste. C'est Paul Ntapu. Azali lokola Félix. Azali ko landa mutu nyonso oyo azali ko lobela ye pour kazala kandidate. Pour neutraliser tout celui qui parle contre lui. Vous avez suivi notre frère. Parmi des gens qui font la fierté de notre pays, je peux citer par exemple M. Patrick Mbeko. Patrick Mbeko est un écrivain congolais résident au Canada. Naebi très bien que Bamilouvor Batanga raté. Si vous avez le goût de lecture, je pense que vous avez déjà lu La plume de Patrick Mbeko. Moi, personnellement, j'ai utilisé un livre de Patrick Mbeko pour na bakour nangai ya droit de l'homme. C'est une fierté. Monsieur Patrick Mbeko parle de Monsieur Paul Ntapu pour que Paul Ntapu batouba comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la bonne personne ou à quoi il y a la présidente ya. Il y a CENI. Ce n'est que normal. Moutounio sa koyi kope sa point de vue naïe. Mais voilà, Paul Ntapu, comme d'habitude, ndenge makila, et ça le maka epa inabango, atindi avocat naïe, namboka oyo, monsieur Patrick Mbeko Azali, afundaye. Afundaye, pourquoi? Parce que monsieur Patrick Mbeko alobi, Paul Ntapu azali mutu o azo mérité présidence ya CENI ya Congo te. Ndenge moko kaka na mboka wana vous avez suivi na lobela ki yango. Monsieur Bilomba, conseiller économique de Félix, parle de monseigneur Ambongo, cardinal Ambongo plutôt. A lobby, a fingi, n'importe quoi, a lobby, ezali droit naye a koloba. Une catholique répond M. Bilomba. Parce que cette Congolaise catholique a moni que M. Bilomba ne pouvait pas s'attaquer na cardinal Ambongo. Et cette catholique, en tant que catholique, Congolaise, a réagi par rapport à action et à conseil à Félix Bilomba. Cette Congolaise a lobelé jamais Balouba na kati ya mboka wana, atangi kombo ya Mouluba mokote na kati ya mboka wana, mais comme Makila ezali ndenge ezali na Aden na bango biloko wana ezali, on a vu une association de Louba na mboka wana bakei ko funda ndeko oyo pourquoi alobeli Bilomba, pourquoi alobeli Balouba. Donc tozali maintenant qu'observer que bandeko na biso le Louba dans tout le pays, à Kinshasa d'abord, ils intimident les autres tribus. À Kinshasa, ils menacent, ils tabassent, ils tuent. Alors, na diaspora, bazali komema la même politique d'intimidation, ya bandeko mususu oyo bazali kolobela, comportement na bango ya mabe na gestion ya pays. Ils sont en train de construire un système tribal que Congolais moko ta koyi ko admettre yango. Alors tozo mona ba procès et ba procès oyo nyonso tozali ko observer ezali bande ko na biso Balouba pour ko lobeli Félix bake ko funda yo. Et je vous ai dit la fois passée sur l'histoire de l'association suisse de Louba qui s'est réunie na Corée contre monsieur Yombi. Juste parmi ba point na bango ezalaki ndenge nini to ko funda ye. Parce que Azali Kolobela, président Nabiso, dit Tunga Dietu. Azali Kolobela, tribu Nabiso. Azali Kolobela, Bukalenga Nabiso. Tokofunda ye ndenge nini. Bake ndeko tuna un avocat, tokofunda ye ndenge nini. Avocat lubi bolingu funda nani. Ono tolingu funda cuisinier oyo. Ba pesa kombo babi, ah, mon frère. Atuni bangona no moko, bino boza na visa nini, yo boza na visa nini. Humanitaire, bongo yo étudiant, bongo yo nazwi na nte. Est-ce que boye bi ke mutu wana obolinko funda, azali mutu oyo ki a travaillé pona mibeko ya ba visa oyo bozo tanga wana nyonso. C'est lui qui a travaillé pour ça ici. Mais pona biso en tout cas ba coréen, tozali ko respecte mutu oyo. Mais elini ko lobate ke soki a buki mibeko ba funda yete. Bo pesa ngana na makambo ngo ya buki eza nini ya mibeko nini ya buki. Oh non, azolo be la president na biso. Oh, yangwana kaka mibeko ah. Bon. Café ya ofele eza kuna na coin soki bolingi komela café bomela tokutani mukolo mususu nazomona te grief nini eza awa oyo bokene kofundela mutu oyo amweke soki bolingi ko bebisa mbongo bo pesa parce que bakende ki pona mutu avocat na sambela bango ofele et l'avocat même leur dit thèse nanga ya maîtrise j'ai travaillé sur le réfugié. Et soki botangi thèse nanga na ebite entre bino soki mutu aloba Korea azali, atanga Korea azali. Thèse nanga ya maîtrise azalaki ba participants principaux na thèse nanga. C'est lui qui m'a éclairé beaucoup de choses na thèse nanga. Alors, si c'est un problème politique, ça va, mais si c'est un problème légal, en tout cas, vous allez na base mon côté, ya kofunda mutu oyo. Bazonga ki lokola ba milou, mikila entre les pattes. Bazonga ki lokola ba milou. Et l'histoire de leur frère Otosova ki na aéroport, ndenge na lobaki la fois passée, tozui notification, ya réception, ya dossier na biso. Oyebi sabiso ke o edifiye biso na makambwe bele na kati. O remarque ke bazali kaka bango mokote. Ya beaucoup de Congolais bazali awa bazali na ba passeport angolais. Et il y a l'histoire aussi de notre gare où il y a un passeport, il y a pays moussous. En réalité, il y a un pays moussous. Mais à Senga Ngunda, il y a un mukanda humanitaire, un passeport congolais, où il y a un azwa na ambassade ya Congo, na mboka ya Corée. Mupaya ya mboka moussous a un ambassade ya Congo, ba pesi ye passeport ya Congo. Mais ngai congolais, il y a un passeport ya Congo. Nazana passeport ya Congo. Vous demandez le passeport ba yebi sio kende na Congo kezwa. Mais mupaya ya mboka mususu, un congolais de Brazzaville. Tout le monde a yebi kaza congolais de Brazzaville. Tout le monde. Ye moko pa bomba arrêté à lobaka yango. Naza congolais de Brazzaville. Ake na ambassade à Congo ba pesa ye passeport ya Congo RDC. Azanango atambula kanango. Ngai Congolais de sang. Mboka wane zali ya ngai. Mabele wane zali ya ngai. Nazali copropriété ya mabele wana. Nazali copropriété ya mabele wana. Mais un copropriétaire, oyo, passeport ya mboka na ye, donc identité ya mboka na ye azanangote. Bako yiko pesa ye angote. Donc, tozali ko soutenir monsieur Patrick Mbeko oyo bandeko na biso ba milouvor ba ke ko funda tozali ko soutenir ye et toko senga na ba congolais nyonso oyo bazali libre d'esprit o ba vandi na mboka wana de soutenir notre frère Patrick Mbeko comme boye bezali kaka Patrick Mbeko te o azana besoin ya soutien na mboka wana. Tozali na monsieur Robert un docteur congolais boyebi makamba covid ndenge le kaki na mboka wana kona akize que ye mutatambusa ki apanzaki covid mais ben information tozali kotanga na ba journaux ya na télévision ya mboka wana ezali clair que ndeko wana azali responsable ya maladie wana na mboka wana te alors ndeko wana azui ba humiliation nyoso. Tozali ko mona ba Congolais ya mboka wana te po ba soutenir ndeko na biso oyo. Bato muso bazali ko soutenir près de 1500 médecins ya mboka wana. Ba signer lettre ya soutien na ndeko oyo. To moni par exemple association ya ba haïtiens. Bazali ko soutenir ndeko na biso oyo. Donc monsieur Robert Ngola, to moni association ba mboka nyonso sauf communauté congolaise ya mboka wana po ba soutenir ndeko oyo tomoni yango te. C'est regrettable. Association ya ba avocat. Association ya ba avocat Luba oyo bazali kolanda. Batu oyo bazali kolobela Félix. Tomoni bango te ba ya ko proposer service na bango na ndeko oyo. Tomoni bango te. Donc, vous comprenez que le système oyo bazali ko tchana na mboka na biso, ezali système moko il faut ko combattre yango. Ezali système moko il faut combattre yango, parce qu'il y a un problème qu'il faut différencier entre les relations sociales et les rapports sociaux plutôt. Donc, les relations sociales et les rapports sociaux. C'est-à-dire que le changement dans Mboka na biso, cette histoire ici des systèmes tribaux, oyo bandeko na biso na Félix bazali ko tcha na Mboka na biso, et koki ko changer à partir ya ba rapports sociaux dans les institutions. C'est pour cela que nous demandons si réellement il y a des députés na Mboka wana, c'est ça le moment y a quoi agir. Parce que au niveau des relations sociales, oui, nous pouvons parler. Tokoyi koloba. Toko yiko lo bato zali ko lo bapona ko influencer des rapports sociaux. Mais au niveau maintenant de ces rapports sociaux, bon, les rapports sociaux peut-être bande comme sous va comprendre en côté et zali ba institution. Alors, les relations sociales ezali biso bato zali libanda ya ba institution. Nous pouvons parler, toko yiko lo bato ko dénoncer tozali ko lité. Mais impact est causé la penzate, ce qui batou oyo ba à terre, yaba rapport sociaux, ba s'impliquer te pour na changement oyo bisotolingi. Voilà quand nous nous attaquons par exemple naba anti-valeur, le cola Félix, tozali pe ko s'attaquer naba anti-valeur oyo bazali na ba institution na biso, parce que bangonde batou ba koki ko pesa impact à un changement. Lelo oyo mboka ezoki na tendance na système de gouvernance tribale. Alors, na kati ya ba rapports sociaux les institutions par exemple le parlement, ba koluka mbangu mbangu ba luka mobeko soki ezali ou bien ba renforcer yango soki ezali ou bien ba sala yango soki ezate pour empêcher que le pays ne bascule pas dans un système de gouvernance tribale. Et bandit déjà, la présidence s'est déjà bouclée. La présidence tribale. Alors, yango tozali ko senga, ce qui ba député yango ba zali, réellement ba député, ba zali na souci ya mboka na biso, il faut stopper Félix na tribune na ye, ba komisa mboka na biso lokola système ndenge boyebi na Liban. Na Liban ba monike système na za malamu te, le Liban maintenant veut rentrer na un état laïque pour que tout le monde azala na opportunité ya ko diriger ya ko za responsabilité ya Liban. Mais auparavant le pouvoir juste ezali na ba groupe tribo oyo ba gouverner mboka pendant plus de 30 ans. C'est ce que Félix veut imposer na mboka na biso na bande ko na ye. Alors, moment de yango ya ko stopper yango. Donc quand j'ai suivi notre frère Fabien Koswanika sur Paul Ntapu, sur Patrick Mbeko, bon, Patrick Mbeko, j'ai discuté avec lui pour na copé ko la ça y est soutien na biso. Et tozali prêt ya ko apporter soutien nyonso oyo ya lingi, tozali prêt ya ko salela yango, parce que ces histoires là il faut que cesser. Mboka bazwaka ba dirija yango te na violence. On ne dirige pas un pays par la violence. On ne dirige pas un pays par des intimidations. On ne dirige pas un pays par juste votre tribu. Nous ne sommes pas un pays homogène. Tozali un pays hétérogène et tout le monde a la responsabilité, tout le monde a la place pour parler. Alors, quand vous venez maintenant, vous représentez les autres comme de sous-peuples, vous avez le pouvoir, vous demandez aux autres de se taire. Alors, vous voulez transformer ce pays comme un pays homogène. On a juste une tribu, la tribu Luba, et les restes sont des sujets, sont des aliens qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que Jésus viendra. Parce que vous avez dit, vous allez faire le remise et reprise avec Jésus. Alors, ezali responsabilité na biso ba Congolais nyonso pour stopper ses frères et sœurs oyo ba lingi mboka oyo et comme un pays à gouvernance tribale. Jean-Noël Olobinini. Olobinini, tu comprends maintenant d'où vient la haine contre Félix. Mais il n'y a pas de haine. Haine exacte, mon frère. Milouvor. Moi, attaquer était, mes amis sur Facebook. N'attaquez pas ce Jean-Noël Mbongo. D'abord, vous comprenez le nom. Il est Milouvor. Analyse biaisée. Qu'est-ce qui est biaisé? Je vous ai donné la liste ya batu oyo Paul Tsapo atindaka na libanda tous luba. Je vous ai cité ici batu Félix Ayana Bango sur 600 na présidence 560 luba. Nzuzi Wambombo a envoyé au Canada 200 personnes tous luba. Alors dites-moi monsieur Jean Mbongo. Un des awapi. Bandigola biso ba miruvor baza terrible. Donc, quand j'ai suivi M. Fabien Kouswanika, bon, les années là-bas, excusez-moi, il y a des gens qui sont devant les pieds en réalité. Oh, yon ambo kanabiso baza batou moko chouba vanda calme pour que batou moussou basa et la bangou moussala. Je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais na landi na vidéo ya Fabien Kouswanika, un gars là où azali ko insulté yé ki azali mwana pauvre, que Fabien Kouswanika est un fils d'un pauvre, c'est un villageois et que yé a botami na ville za kinoa. Mais cette histoire de quinoa et de villageois, je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle villageois, qu'est-ce qu'on appelle quinoa? Parce que quelqu'un qui habite Lubumbashi n'est pas un villageois. Un villageois, c'est celui qui habite le village. Ce n'est que normal. Il y a des villageois éveillés, des villageois civilisés. Mon père était un villageois, mais civilisé. Parce que mon père, en réalité, était un médecin, un corps médical certifié qui a sauvé des vies humaines. Alors, voyez-moi maintenant, par exemple, Étienne Tshisekedi qui a évolué dans la capitale, il ne faisait qu'escroquer des citoyens. Mon père sauvait des vies humaines, mais Félix Étienne Tshisekedi wa Mulumba escroquait des citoyens à Kinshasa. Alors, qui est civilisé, qui était civilisé entre mon père et Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Alors, être né au village, ce n'est pas un problème. Et na Kinshasa, ce que vous allez bien, qui gouverne? Banane ba gouverne na mboka na biso. Kobanda Mobutu, Bakasavu, Bunyoso, Lumumba, tout le monde. Ce sont des villageois. Ce sont des villageois. Alors, c'est un faux débat. Mais quand il s'agit de la pauvreté, j'ai parlé de ça dans ma vidéo précédente. Je pense que Banayaba pauvre, Bozali, Batuboko, sera intimidé na Batu Yandengonate. D'abord, lui, il semblerait qu'il est enfant des riches. Azali en Europe kuna et lokoni azosa en Europe, il était dans le social alongwe na social a komi kolanda landa, il semblerait que bato na sima po ba pesa kaye mbongo, mais bana ya ba riche bazali bato moko ba osala ba entreprise. Ozali mwana riche, vous avez hérité richesse ya ba parents no yo, il a combien d'entreprises au Congo? Azali a entreprise combien na Congo? Même en Europe et si Azali na France, il a combien d'entreprises? Il a investi combien? Fils d'un riche. Donc, les enfants des pauvres, ne vous découragez pas. Bien au contraire, il faut répondre à ces gens na kotanga, botanga, pour prouver à ces gens que bana riche en réalité, bazali riche. Regardez Félix. Félix est un enfant d'un riche. Félix ne manquait rien. Félix abanaye ko lala na ndako ya bien ndako ba botola na l'état. Félix abanaye ko lia bien bambongo ezoya pa mobutu bazo escroquer, bazo na ba corruption. Félix abanaye ko tambula bien. Partout où Félix voulait aller, il partait sans problème. Mais remarquez la confusion, ndenge nzamba sala la confusion, mwana ya riche, mwana ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba, mais il a raté l'école. Mais yo mutozali mwana pauvre, soki ozali ashidi na kotanga na yo, vous pouvez devenir une personne qui peut impacter ce monde. C'est ça l'essentiel. Essentiel ezate ke yo za mwana riche, oza mwana riche, mais vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Vous-même, qu'est-ce que vous faites? Où vous avez investi parce que vous êtes riche? Ce monde a besoin de gens pour aider les pauvres. Ce monde a besoin de gens pour aider Bato Bazali na détresse. Alors, vous êtes un fils d'un riche. Qu'est-ce que vous faites pour ce monde? Ce qui est au long de la sphère, il y a monde, il y a belé. Qu'est-ce que vous faites pour les Congos? Ce qui est au long de la Congo, Qu'est-ce que vous faites pour votre kasaï? Parce que le kasaï là, il y a famine. Batubazo liate, batubazo melate. Qu'est-ce que vous faites des riches kasaïens? Voilà donc, mes chers amis, Batu Oyo, Bazali Batu, en réalité, gardez silence, ndenge na uti koloba, Bazali kotonga système ya mboka, na ndenge na bango ke, système ya gouverne mboka, ezala système ya tribi. C'est-à-dire, so komi président, Batu nyon soko tia na présidence, eza Batu ya mboka na yo, ya ethnie na yo, Batu ya munoko na yo. Bato kocha ba ministre bato munoko na yo. Bato kotinda libanda bato munoko na yo. Ya in list qu'on vérifie là d'ailleurs, oyo la la copine de André Kimbuta, madame Denise Nyakeru, a envoyé 10 étudiants en Europe au bazui bourse. Les 10 étudiants là tous baluba. Atie ata ba semé ki na ye bato bandunute. Na ebite so ya Andrea yebaike Denise Nyakeru azo tinda batu azo apesi batu ba bourse bazo ke nekotanga na Europe. Quand même mutu moko na côté ya hein, na côté olingé là, il faut azala quand même. Tous les 10 là atindi baluba. 10 bourses d'études parce qu'il en Europe, tous baluba. Alors, vous comprenez que na système ya ba bourse na système ya kobima ba formation libanda na système ya kotanga libanda système oyo bazali kotia ya système de gouvernance tribal bakotinda batu ya mboka ya munoko na bango ebele libanda soki batindi bango ebele libanda après 10 ans 5 ans 10 ans 20 ans vous allez comprendre que le taux ya kotanga ekozala mingi na parti mboko ya mboka na biso donc ekozala mingi na na tribu luba. Alors, bon comprendre que bango kaka babandeko ya kozwa ba formation, pardon, babandeko zo ba position publique, ba position ya musala na mboka na biso. C'est comme ces soi-disant intellectuels qui ont kidnappé notre pays ou le bourse des études, tout for toute formation. Batu kaka ya ba famille na bango. Soit muta kozwa bourse mwana ministre, muta kozwa bourse mwana PDG, muta kozwa bourse mwana président. Kaka bangonde batu bazo tanga e bango pe batu bazo zonga toujours. Papa kufi mwana azui, papa kufi neve azui, papa kufi nyesa azui. Parce que bazo pe sa opportunité kaka na bango. Alors, batiki biso na esika wana ya bourgeoisie wana te, voilà maintenant que Félix veut instaurer cette bourgeoisie tribale pour que cette bourgeoisie tribale bazala toujours privilégiée, bangonde bazwa, ba position nyonso après 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est comme ça la politique, par exemple, rwandaise avec Paul Kagame. Paul Kagame donne l'opportunité na batuti pour que ba bimalibanda mingi ba kende kotanga et ba utu ba pesa bango priorité akosalaka bilanga. Et après quelques années, oyo ba koluka quand même une main-d'œuvre qualifiée. Mais devait qualifier wana kozala kaka parmi les Tutsi. Alors, ba hutu ba kozala parmi ba mais devait qualifier te et misala na bango kozala juste misala mususu ya ba maboko oyo eza qualifier te. C'est ça le système que Félix veut instaurer. Ce qui vraiment Kabila longola ye nokite. Ce qui a longoli ye nokite et kozala regrettable. Aujourd'hui, Félix a donné l'opportunité aux Congolais à Kolobake, vomé Kabila yango azonga kaka. D'une part, tokoki ko condamné bandeko oyo te les Congolais, ba voix oyo ezali ko s'élever pour dire d'une part que Kabila azonga kaka. Parce que Congolais oyo ezali ko mona, tozali na problème na bapaya. Tozali na problème na cette élite qui a kidnappé notre pays, okaka bango batu bazwa kozonga na misala. Tokomi sou na problème tribal bande comme sou tribu msou bazomo na ki bazali supérieur par rapport à ba tribu msousu bazako diata diata biso lokola bakayasa bazako diata diata biso ezala na diaspora il cherche toujours ba diata diata biso lokola bakayasa. Alors si par exemple le choix est entre seulement Félix et Kabila, pourquoi Kabila zonga kaka te? Azonga kaka nako sepela na za na boumbu ya bapaya. Nako sepela na za na boumbu ya bapaya ke boumbu ya ndeko na ngai, ya kati ya ndaku, ya kati ya famille, ya kati ya pays na ngai. Jamais je peux admettre que nos frères ba koma tribu moko supérieur par rapport aux autres et ba dominer biso ko intimider biso pour que to kanga minoko me. Peut-être ba cible na bino boyebi ko pona yangote. Bato oyo bakangisa minoko bazalo kola bisote. Ti na zokufa okobomanga na yebi ko bomanga mena okanga munoko na ngaite. Tozanga ka yakolia. Tozanga ka mbongo ya kotonga ba building. Me yakoloba tozanga ka ngote. Alors faites attention parce que mboka wana ezali mboka na bino kakate. Ezali mboka na biso nyonso. Na tango biso tozali koloba bato bazo yoka. Les moralistes, na tango bozali ko agir na faso wana. Les moralistes bazo mona. Ba moralistes bazo pesa bino moralité. Mais quand nous maintenant, nous réagissons à vos actes, ba moralistes ba ye, botika biloko wana, ba na nzambe balobaka bongote, mais bango na er bazo komisa mboka et komi lokola système de gouvernance comme tribal, bazali ko diata diata biso lokola bakayasa ba moraliste bazomona. Monsieur Jean Lévy, olobi non tribalisme exacte, alors vous êtes hypocrite. Monsieur Jean Lévy, vous êtes hypocrite. Le tribalisme existe. Quand un président de la République ramène à la présidence 600 conseillers et agents, et parmi ces 600 conseillers, il amène 560 sa tribu. C'est pas le tribalisme ça? C'est pas le tribalisme? Quand un ministre, une ministre envoie pour formation 200 Congolais, 200 Zaïrois, parmi ces 200, 200 de sa tribu, ce n'est pas le tribalisme ça? Alors vous êtes hypocrite, monsieur. Alors, donc, mes chers frères et sœurs, voilà ce que Tolingaï Koloba est au jugé. Bon, peut-être parce que dans le système, quand il y a pièce contre pièce, pièce contre pièce, ce qui est dans le live, des fois, tu as un background, na biso photo. Ne comme moi, il y a biso, ah, prof, pardon. On est allé malam, et je vais vous expliquer photo en vous anime. Fotana bozomona na sima wana bomoni na kati kuna lamuka azate, mutumoka lamuka azate, muyaka moko azate, bozomona liboso na sima na ngai, nga wana liboso, oyo bazali liboso na ngai kuna bango nyonso bazali ba parlementaire, parlement coréen. Bozomona ndenge bazali kolanda, parlement, na lobi bien, parlement oyo ba vota penza ke, batu oyo ba chelie bilete bango pe batu ye pe akobima o ba voter ye wana pe akobimisa donc wana ezali ba parlement coréen oyo ba sala mibe kwa Kore oyo ba décide rapport na Kore ba décision na bango yango e komisi Kore lokola 11e puissance économique du monde ezali ba parlementaire na binote lokola ba Eliezer Tambwe ba parlementaire lokola Daniel Sapu ba parlementaire local ou ba parlementaire penzo yoka ka parlementaire béton. Alors il faut vous poser la question mutu oyo muyaka azo sala nini liboso ya ba parlementaire et soyi bolandi o ba benga ka body language donc ba signo corporel botala ndenge bazo landa sui mutu moko azo tala gauche droite liboso. Et tozalaki wana pendant 3 heures nazalaki wana. J'ai été invité na parlement oyo à deux reprises. Troisième reprise, il y a la commission. La commission, il y a un groupe de 50 parlementaires. Mais aujourd'hui, nous avons 300 parlementaires qui vendu. Donc, j'ai suspendu le Parlement pendant 3 heures. Mutomoko azaki libanda te ya kendeko sala musala, tout le monde était là 300. Et photo oyo bozo mon eza katikati parce que caméra azwa ki juste milliers ya kati. Donc range mususu bo moni koto ebimi na caméra te. Tous les 300 parlementaires na président na bango. Président na bango aza liboso na ngai, liboso na ngai eza juste na balcon likolo. Donc commission nyonso ya parlement baza likolo kuna. Donc na loba directoire. Alors demandez-vous un simple mouyaka, et si ka oyo aye ko salani. Pour parler ma babenga yo, il faut ba yeba d'abord aux anani, il faut ba vérifier qui vous êtes. Alors, so vous allez un simple mouyaka, oliaka milou, non, ba yaka, oliaka fumboa, oliaka ka fumboa, je pense que parler ma nata ko autorisé, protocole na bango te ba kotisa mutu ya boye ba kotisa ye na kati aya ko lobela bango pendant 3 heures a suspendre misala nyoso ya parlement pendant 3 heures donc ko lia mbwa eza mabe ko lia milu eza mabe parce que il y a des réalités ozomona yango yo réalité yango ezomona na mais yo ozomona eloko msusu yo ozomona eloko msusu donc voilà. Chaque live à Batuya Facebook Bozomonate. C'est pour cela que je vous demande souvent de passer sur YouTube parce que il y a une photo sur YouTube Oyobino Bozomonate. Désolé moi na chango na Facebook ezate mais na page nanga ezali hein? Quand vous allez na page nanga bozomona photo wana ezali et voilà. C'est ce que tolingai koloba pona lelo. Tenez bon. Nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer notre pays et les anti-valeurs, il faut les combattre. Alors, ce système de gouvernance, de pensée unique, ce système de pensée tribale, nous devons les combattre. Congolais, nous avons un devoir ou une responsabilité de les combattre. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci. Bandeko o bazali na Facebook, abonnez-vous et likez et puis nous allons continuer. Merci pour aujourd'hui et na pesi bino weekend ya malamu, butu ya malamu et tokutani probablement la semaine prochaine. Courage na ba activiste nyonso oyo bazali ko combattre pour na ko dénoncer makambo mabe. Courage na bandeko na biso oyo bazali ko zwa courage ya ko bima ya ko lobela mabe oyo ezali ko sala na Congo bandeko o bovandi na Europe des gens comme de Fabien Kosonika de Kelvin Mayizo de Odombo ces gens là il faut bo protéger bango baza bandeko na biso bazwi courage c'est pas facile ils ont sacrifié leur vie ezali sacrifice parce que bandeko oyo ndenge baza bo c'est difficile lelo baza la libre par exemple na Congo. Alors, bazana besoin ya soutien na bino, ba prière na bino, soutien na bino moral. Ba soutien nyonso bazana ngo besoin. Merci beaucoup et au revoir. Comment stopper ça? Excusez-moi, je cherche comment faut-il stopper ça?